je m'entendais même quand avec des Nike. Recrache plus rien à part de la vapeur. Lions-en sur ta gueule, lions-en sur la scène, mais toujours devant les patterns. J'avance vers là où y'a plus de beurre. Y'a pas d'aigu mais y'a le cadran. J'sais pas pilote, pourtant j'tue ça sur un 4. Fais 2, 3, 4 bon run dans le carton. Ton terre sur ma vie, ça sent le safran, ça sent le souffle. Ton astuce préférée faire le saut. Tu peux nous suivre sur Insta, mais tu peux pas dans l'instant. Tu t'engouffes, j'suis dans le condor. Mélange pas les pigeons et les condors. Tu peux faire la ressa, on laissera même pas les ressorts. Technique comme Hazard en demi, comme Ronaldo en 2002. Ça fait mal comme un Fanny alors que tu te prends pour un demi-dieu. J'veux rider dans une Aston jusqu'à Austin. Moi j'veux rider dans une Aston jusqu'à Austin. J'suis dans la raquette pour le sport. Je demande au H ou déposer le corps. Ah à la canette, voilà coffre. Comme dans GTA, j'active les cadres et la côté. RD dans le cap. Tu resteras sur le banc même si je te laisse rentrer dans le club. CD pour les mains solidaires comme des bohémiens. On va débouler si t'aimes ce qui vient de la politique. Ah, comme d'hab la relâchée. Parle pas de l'eau, tu jamais pas ta relation. J'aime pas quand ça parle chine. Si tu nous veux, faut respecter nos conditions. Et si c'est la guerre, laissez les boucliers, prenez que les armes. Oh, ta mère va perdre son gosse. Son visage sera décoré de larmes. Oh. T'en es sûr, t'as mis le cran de sûreté. Est-ce que t'en es sûr? J'vois à travers leur jeu, ils essaient nous sucrer. Man, c'est mieux, vous souffrez. Pas de soucis, le petit qu'a guetté. Pousse, t'inquiète, j'sais que ces gars va font que me guetter. Elle est douce, j'la guette. Nina, robe moulant, corps de guêpe. Ils ont plongé dans le guépier, en guette-guette. On te prend, guette-apens. Toutes ces faguettes, toutes ces tablettes font du bruit dans mes tympans. J'suis pas mouillé, j'porte ma peau comme veste étanche. J'tiens mon père avec les dents, ou le couteau sous les dents. J'tiens mon père avec les dents. J'tiens mon père avec les dents, ou le couteau sous les dents. Westaman Jojo tous les temps, maison la recette tous les sons. Vito gaz tout le temps, quoi pour mes honnêtes là maintenant. Quoi pour mes honnêtes là maintenant. Voilà, voilà.